Hey. You and I'm a crawling Kingsley. And I rule my den. You know I'm a crawling king snake, and I rule my den. Don't hang around my little girl. I wanna use her for my friend. You know you caught me trawling, when dress was very high. Wanna keep on trawling, baby, till the day I die, because I'm trawling King Snake, and I rule my day. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la première émission de radio de l'association Attaque sur le canal de Radio Campus. Cette émission fait partie du créneau Soigne ta gauche tous les 15 jours et si je ne m'abuse, c'est la première émission de la série. Dans 15 jours, donc, vous retrouverez Jean-Jacques Angelini pour son Que fait la gauche. Un mot d'abord sur Attaque dans la métropole lilloise. Dans la métropole lilloise, Attaque réunit 3 comités locaux, Roubaix-Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq et Lille. Ce sont leurs militants qui vont vous donner rendez-vous tous les 3e jeudis du mois sur 106.6. Elle a un nom, cette émission, Angle d'Attaque. Pourquoi angle ? Pour exprimer notre point de vue sur ce qui nous intéresse et surtout sur ce qui vous intéresse, j'espère. Angle d'Attaque est un subtil jeu de mots qui ne vous aura pas échappé. On va commencer par les présentations. Vous allez entendre tour à tour la voix de René. Bonjour. D'Antoine. Bonjour. De Xavier de Germain qui sont de l'autre côté de la vitre tout à l'heure, qui reviendront nous rejoindre dans un quart d'heure ou à peu près. Bon, vous dites certainement que c'est pas très féminin comme équipe, mais voilà, on va vous corriger ça, c'est promis. En tout cas, on est très content d'être là pour vous parler. Il est tellement rare que nous puissions nous adresser à autant de monde à la fois. On craint un peu aussi. Nous ne sommes pas des professionnels, nous réclamons votre indulgence, c'est pas parce qu'on cause dans un micro qu'on fait de la radio. En tout cas, nous allons essayer de parler clair, le plus clair possible, pour expliquer des choses qui ne sont pas forcément simples. Attaque est une association d'éducation populaire et nous allons tenter de tenir ce rôle au long des émissions. Et pour cela, vous le verrez dès aujourd'hui, nous avons des invités dont nous reconnaissons à la fois la compétence et la qualité de clarté et de pédagogie. Alors de quoi nous allons parler? Eh bien, si vous connaissez un peu Attaque, vous savez qu'il sera question d'économie et particulièrement d'alter-économie. Oui, mais pas seulement. Bon, on va parler d'économie. Nous allons parler, bien sûr, de cette crise financière. Et on va quand même parler aussi pas mal de nos solutions. On est là pour ça. On est là pour ça parce que les idées développées par Attaque depuis maintenant quelques temps... René vous dira depuis quand Attaque existe. Eh bien, taxer les transactions financières, on jugeait, il n'y a pas 4 ans, comme ridicule et inacceptable cette proposition. DSK en tête, d'ailleurs. Pareil pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. On en parle, nos idées avancent, et ça, c'est quand même satisfaisant. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons bien d'autres propositions à faire partager. La nécessaire transformation du système bancaire, la réforme de la fiscalité, nous parlerons aussi de l'objection de croissance. Autant de jalons à proposer pour une société plus juste. notre conviction, la société que nous voulons ne pourra être plus juste que si nous renversons le dogme de la croissance telle qu'on la mesure, telle que nous la connaissons depuis trop longtemps et qui ne résout rien. Une croissance qui ne produit que pour produire, avec si peu d'écart pour les hommes, nous parlerons de la souffrance au travail. Une croissance qui a si peu d'égard pour le milieu naturel, nous dénoncerons le caractère minier du capitalisme qui détruit les richesses naturelles. En un mot, nous allons réfléchir avec vous, les auditeurs, à une croissance autre, une altercroissance où la course à la productivité ne sera plus une priorité, où la décroissance ne sera plus un gros mot, mais un mot pour réfléchir à l'avenir, où le milieu de vie et la vie tout court seront respectés. Voilà, en gros, de quoi nous allons parler. Maintenant, rapidement, comment vont s'organiser nos soirées, notre troisième jeudi du mois sur 106.6? En quatre temps, un point d'actu avec les nouvelles d'attaque, un grand format, comme on dit à la télé, ce sera notre invité, une partie consacrée à nos conseils de lecture, et quatrième et dernier temps, les rendez-vous militants d'attaque avec nos nombreux amis, les amis du monde diplo, les amis de la Terre, le CCFD, etc. Cette émission a une originalité. Le thème débattu avec les invités sera poursuivi avec nous, les animateurs de l'émission, au cours de nos réunions ouvertes à toutes et à tous. Et ce sera le premier lundi du mois qui suit l'émission. On compte beaucoup sur ce rendez-vous avec vous. Les assemblées militantes, c'est comme ça qu'on appelle nos réunions publiques, devraient nous permettre de reprendre, de critiquer, d'approfondir ce qui s'est dit sur Campus 106.6 le troisième jeudi du mois. Donc, prochain rendez-vous, je le dis tout de suite, à l'Imbresse, 19h30, lundi 3 octobre, sur la dette publique. Bien, eh bien, on va passer à autre chose. On va parler, comme annoncé, d'attaque. C'est René qui va nous dire d'où vient attaque et à commencer par préciser ce que signifient les lettres. Oui, justement. Alors, pour rappel, attaque. Les cinq lettres d'ATTAC signifient « Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne ». Donc c'est une association internationale qui est une composante importante du mouvement altermondialiste. Et nous rappelons que ce n'est ni un parti politique ni un syndicat. Alors, pour les origines, eh bien, il faut savoir qu'en 1997-98 avait eu lieu une autre crise financière appelée « crise asiatique ». Et qu'à la suite de ce fait, un éditorial est paru dans le monde diplomatique. Donc un éditorial d'Ignacio Ramonet, qui était directeur du monde diplomatique à l'époque, intitulé « Désarmer les marchés » et qui proposait une taxe mondiale pour freiner la spéculation, la création d'une ONG internationale qui coordonnerait toutes les organisations luttant contre le néolibéralisme. Et il se proposait d'ailleurs de l'appeler ATTAC. Donc suite à cela, en juin 1998, se constitue ATTAC, donc une assemblée générale constitutive et l'adoption de la charte fondatrice. Déjà, fin 1998, ATTAC compte 4500 membres. Oui, attends René, mais qui a répondu à cet appel ? C'est bien un appel de Ignacio Ramonet. Oui, c'est un appel d'Ignacio Ramonet, certes, et qui a répondu à cet appel. D'abord des personnes physiques, des intellectuels, scientifiques, militants, etc., dont je peux citer quelques-uns. Suzanne Georges, qui est d'ailleurs présidente d'honneur d'ATTAC actuellement. Gisèle Halimi, Manu Chao. Daniel Mermet, avec bien connu pour son émission « Va voir là-bas si j'y suis ». Ignacio Ramonet lui-même aussi. Et aussi des personnes morales, donc associations, syndicats, publications. Donc par exemple pour les associations AC, Agir ensemble contre le chômage, les Amis de la Terre, Oxfam, le DAL ou Droit au logement, Hi-Tech, l'Association internationale des chercheurs et techniciens, le MRAP, la CRID, Centre de recherche internationale sur le développement. Donc en bref, à peu près tous les gens qu'on rencontre régulièrement, oui. Notamment dans nos revendications et nos combats divers. Et on a aussi une activité internationale. Oui. Au plan international, effectivement, donc c'est créé un mouvement international d'attaque en décembre 1998, appelé Attaque International Network, dont l'objectif est la convergence de tous les réseaux militants de tout pays contre les politiques néolibérales. Et avec ce réseau, Attaque est maintenant présente dans 38 pays. D'accord. Donc ce qu'on retient tout de suite, c'est que quasiment dès le début, Attaque a eu la volonté, une volonté internationale et d'essaimer à peu près dans beaucoup de pays. Oui. Vas-y, oui. Puisque, comme le souhaitait Ignacio Ramonet, il s'agissait de créer une ONG internationale. C'est ça. D'accord. Et on va parler justement d'international avec Antoine qui est allé cet été dans la Noire Forêt allemande à Freiburg, où il a rencontré justement les 38 pays dont vient de parler René. Oui, en effet. Alors, on était nombreux. C'est 1300 participants venus de 38 pays différents, dont 20 en Europe, répartis dans plus de 100 ateliers, en plus de forums et plénières sur 6 jours, du 9 au 14 août 2011. On peut dire que lors de cette université, deuxième université européenne, Attaque à Freiburg a pris une dimension mondiale. On peut plutôt parler d'attaque monde par l'origine des participants, des révolutionnaires arabes témoignant de leur combat du printemps dernier, de Japonais sur la catastrophe de Fukushima. Ce qui est important à retenir de cette rencontre altermondialiste, elle a été marquée par l'opposition entre deux notions. D'un côté, la souveraineté populaire et de l'autre, la souveraineté du marché. Ce qui signifie la dénonciation du renforcement du discours ultralibéral, également la proposition de solutions concrètes replaçant l'être humain avant les profits financiers. Alors, de quelle solution vas-tu nous parler, Antoine? Je peux en dire plus, à savoir que les libéraux en Europe souhaiteraient déjà que les allocataires sociaux ne puissent pas voter, que les pays riches veulent se débarrasser de l'ONU et de ses accords. Et en plus du déni démocratique, s'ajoutent les effets de la crise financière. Par exemple, 700 000 chômeurs et 1,9 million de précaires au Portugal, qui a vécu une grève de 300 000 personnes le 12 mars 2011. C'est enfin la disparition de 1 000 agriculteurs par jour dans le monde. Ok. Eh bien, y a-t-il d'autres choses que tu veux nous dire? Oui, question, proposition. Eh bien, la première proposition d'attaque reste la taxe sur les transactions financières. Imposer une taxe de 0,1% au niveau européen sur les échanges d'actions ou sur les opérations monétaires permettrait à l'Union européenne de récolter 30 à 50 milliards d'euros par an. C'est donc une redistribution de l'argent, d'ailleurs, qui est devenue un enjeu politique, puisqu'on le retrouve dans la bouche de Jean-Louis Borloo, d'Arnaud Montebourg ou de Valérie Pécresse. Avec des taux un peu différents, quand même. Oui. Arnaud Montebourg parle, je crois, de démondialisation, quelque chose. La seconde proposition, c'est un audit des dettes pour évaluer la part publique-privée de l'endettement. Parce qu'effectivement, ce n'est pas aux peuples qui subissent des plans d'austérité qui ont à rembourser des dettes dont ils ne sont pas responsables. Bien sûr. Alors donc ça va faire partie des grands thèmes de la fin de l'année pour Attaque. Oui, en effet. Et d'autant plus ces plans, qui n'allègent pas la dette, réduisent les dépenses publiques au point d'envisager la privatisation des services publics. Ok. C'est également, il y a aussi d'autres propositions comme la suppression des agences de notation, l'abolition des taux d'intérêt et l'abandon de la banque spéculative, le retour à une banque défendant l'intérêt commun. Oui, là effectivement c'est un thème classique maintenant d'attaque et quasiment depuis la crise économique, le retour à un système bancaire séparé en deux avec les banques de dépôt d'un côté et les banques commerciales de l'autre, les banques d'affaires de l'autre. C'est un thème qui commence à prendre forme dans le pays et dans la gauche en particulier aujourd'hui. Alors, on a forcément, après d'un grand rendez-vous comme ça, on a des rendez-vous dans l'année des altermondialistes de tous les pays. qui doit s'unir. Au niveau international, et ça commence fort, puisque le samedi 1er octobre, par exemple, il y a à la fois un colloque de résistance contre l'austérité et la privatisation des services publics en Europe qui va se tenir à Londres. Ah, rien que ça. Mais également un meeting... Oui, à Londres, ça commence à bouger. Oui. Les étudiants commencent à bouger. Un meeting internationaliste contre la dictature de la dette à Paris. Une journée du travail du collectif des associations citoyennes à Paris qui ne se sentent pas reconnues. Voilà. Il y a également, le 8 octobre près de Lyon, un colloque sur la désobéissance. Et puis on peut parler également, je fais un clin d'œil à nos amis du CADTM, Comité d'annulation pour la dette du tiers-monde, qui propose un week-end de formation-débat autour du concept justement de la dette odieuse. C'est le samedi 22 et 23 octobre à Liège. Alors sans oublier également, le samedi 15 octobre, il y aura une journée de mobilisation internationale pour un changement global de gouvernance, rassemblement devant le Parlement européen de Bruxelles. Alors ça, c'est suite à l'arrivée des indignés espagnols dans la capitale européenne le 8 octobre et qui passeront justement à Lille fin septembre, début octobre. Et on va en reparler et je pense qu'on pourrait retrouver tous ces rendez-vous sur le site d'Attaclide. Bien sûr, ok. Merci René, merci Antoine pour cette information. Nous allons faire une pause musicale et retrouver sur 106.6 Laurent Cordonnier avec Xavier et Germain qui vont tourmenter notre invité. Vous écoutez Radio Campus 106.6, l'émission Soigne ta gauche, avec ce soir la partie Angle d'attaque, qui reçoit Laurent Cordonnier. Bonsoir Laurent Cordonnier. Bonsoir. Qui sera interpellé et interviewé par Germain. Bonsoir Germain. Bonsoir. Et par Xavier. Bonsoir. Donc, des gens d'attaque, en fait, autour de la table. Je vous laisse la parole. Laurent Cordonnier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Lille 1. Vous êtes adhérent à TAC. Vous n'êtes toujours pas à jour de votre cotisation 2011. Vous êtes également membre du mouvement des économistes atterrés et vous collaborez régulièrement au monde diplomatique. Vous êtes auteur, entre autres, de « Pas de pitié pour les gueux » et « L'économie des tombes à pic, une fable sur l'économie monétaire ». Les négociations autour de la dette grecque piétinent. L'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI réclament à la Grèce l'application de nouvelles mesures d'austérité, avant de lui octroyer un versement de 8 milliards d'euros. Et sans son versement, les caisses de l'État grec ne tiendront pas au-delà du mois d'octobre. Ailleurs en Europe, pour rassurer les marchés financiers quant à la solvabilité de leur État, les gouvernements réduisent les dépenses publiques en instaurant des règles d'or ou de plomb, c'est selon. Ces mesures d'austérité enfoncent dans la récession les pays qui en sont ou qui en seront victimes. Le scénario d'un défaut de paiement grec est de plus en plus plausible, contaminant les dettes des autres pays de la zone euro. L'Italie vient par exemple de voir sa note dégradée, et fragilisant aussi le système bancaire européen. Celui-ci a perdu la moitié de sa valeur boursière cet été, et il faudrait le recapitaliser. Cela a également entraîné une forte chute des indices boursiers, et évidemment entraîné l'affolement des marchés. La machine infernale est emballée, il ne semble pas y avoir de porte de sortie. Laurent Cordonnier, vous qui annoncez depuis le début l'échec programmé de ces politiques de rigueur, quelles sont selon vous les causes profondes de cette crise ? Alors si on parle de la crise des dettes publiques, qui maintenant a démarré il y a un an et demi, il faut se souvenir que ce n'est pas le premier temps de la crise. C'est plutôt le deuxième temps de la crise. La crise a d'abord été les conséquences économiques et sociales de l'explosion des bulles immobilières et financières, disons, dans le courant de l'année 2008. Bon, bien que ça ait démarré un petit peu plus tôt. Donc la crise est d'abord provoquée par l'explosion de la bulle immobilière aux États-Unis, c'est-à-dire l'effondrement des prix de l'immobilier, la montée très rapide des défauts de remboursement des ménages américains sur leurs crédits, en particulier des ménages pauvres auxquels les banques américaines avaient placé des prêts subprime, explosion de cette bulle et qui a introduit dans le système bancaire énormément de dépréciation d'actifs. Si c'est la peine de détailler, on y reviendra. Sous l'effet de ces dépréciations d'actifs, les banques se sont méfiées les unes des autres. Elles ont été de plus en plus réticentes à payer, à accorder du crédit. Et les agents économiques eux-mêmes, ménages et entreprises, sentant monter la panique, ont restreint leurs dépenses eux-mêmes. Donc il y a eu restriction des dépenses à la fois sous l'effet des restrictions du crédit bancaire et sous l'effet de la panique des agents économiques, qui fait que la demande mondiale s'est effondrée. Les entreprises ont eu de plus en plus de mal à maintenir leur niveau d'activité et le chômage en est résulté assez rapidement. Donc il y a eu une première étape de la crise qui était celle-là. La deuxième étape de la crise est venue des répercussions sur les finances publiques de ce premier stade, on pourrait dire. Alors il est vrai que même avant la crise, les États européens, mais aussi les États-Unis, étaient déjà pas mal endettés, sans que ce soit exagéré, catastrophique. En partant de ce niveau d'endettement, les États ont souffert durant la crise pour trois raisons. Première raison, c'est que la récession, c'est-à-dire le ralentissement de l'activité économique et même le plongeon de l'activité économique, diminue les revenus distribués à l'ensemble des agents, et diminuant ces revenus occasionne des pertes de recettes fiscales importantes pour l'État. Donc l'État est dans le siège du passager quand il y a une crise, parce que ses recettes fiscales peuvent baisser très vite, et en particulier l'impôt sur le bénéfice des sociétés peut baisser très très vite, parce que les bénéfices ont tendance à baisser assez rapidement dans une crise. Donc premier élément qui a mis les États en difficulté. Deuxième élément, certains se sont lancés tout de même dans des plans de relance et il fallait le faire. Et peut-être même en Europe, il aurait peut-être fallu le faire de manière plus énergique que ce qui a été fait. Et troisième raison également, certains États, là les situations sont très contrastées d'un pays à l'autre, mais certains États ont dû porter secours à leur système bancaire, bien souvent en les recapitalisant, ou en honorant des garanties sur des dépôts, pour que les banques ne fassent pas faillite et pour que les déposants ne retirent pas leurs dépôts. Donc ces trois raisons ont fait que la première crise s'est transformée en une deuxième crise pour les finances publiques, avec une montée très rapide de l'endettement. En Europe, par exemple, on est passé d'un niveau d'endettement équivalent à 60% du produit intérieur brut à 80% en l'espace de 3 ans. Voilà un petit peu les raisons qui font que, en moyenne, les pays européens, mais c'est encore plus vrai des États-Unis, se trouvent aujourd'hui très très endettés. Et certains, pour lesquels on peut évidemment avoir les doutes les plus sérieux, enfin maintenant on le dit avec une clairvoyance rétrospective, sur le fait qu'ils ne pourront jamais rembourser. Donc vous confirmez, la Grèce ne pourra jamais rembourser. Enfin, ça fait plusieurs années que vous le dites d'ailleurs. Moi j'ai lu des articles dans le Monde diplomatique. Moi ce que je disais, c'est qu'elle ne devrait pas rembourser. C'est ce que je disais depuis un an et demi ou deux. Elle ne devrait pas rembourser. Il aurait fallu qu'elle fasse défaut, et de manière ordonnée, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord pour qu'elle fasse défaut proprement au moment où, justement, toutes les mèches n'étaient pas allumées. Aujourd'hui, c'est des questions de timing catastrophique. Aujourd'hui, c'est plus pareil, quoi. Un défaut de la Grèce qui serait mal maîtrisé, mal ordonné, perçu uniquement comme étant la solution de la dernière chance, pourrait très bien être aussi une mauvaise solution. Je dis pas qu'il faut pas le faire. J'en sais plus rien, en fait. On n'en sait plus rien parce que... On ne peut pas prévoir la manière dont les marchés financiers, qui finalement nous tiennent par les cheveux, quoi, vont réagir aux décisions politiques. Donc, c'est sûr qu'il y a 2 ans, c'était la bonne manière de dénoncer les choses. Il aurait mieux valu que la Grèce fasse défaut. Aujourd'hui, c'est plus aussi certain, quoi. La panique qui s'ensuivrait si c'était mal fait serait sans doute terrible. Elle emmènerait l'Italie, l'Espagne, le Portugal dans le typhon. Et j'ai plutôt tendance à dire que dans l'urgence, là où on est, il vaudrait mieux que le Fonds européen de stabilité financière prévoit quasiment de racheter toute la dette grecque. Bon. Donc le Fonds européen de stabilité financière, ce sont les capitaux qui ont été ou qui vont être levés par l'Union européenne et le FMI, voilà, pour permettre à la Grèce... Là, pour le coup, uniquement l'Union européenne, oui. Pour prêter à la Grèce à des taux inférieurs à ce qu'elle aurait pu trouver sur les marchés, sachant que maintenant, elle ne peut plus, de toute façon, se financer sur les marchés. Voilà. Et ce fonds, qui est en fait un prolongement du premier plan d'aide à la Grèce, et qui n'est pas d'ailleurs complètement institutionnalisé aujourd'hui, ce fonds, il est prévu qu'il puisse aller jusqu'à lever 440 milliards d'emprunts sur les marchés financiers mondiaux pour pouvoir les reprêter. Alors les reprêter au départ pas seulement à la Grèce, mais les reprêter à l'ensemble des pays qui pourraient se trouver en difficulté temporaire de financement sur les marchés financiers. Mon idée, c'est que la seule manière de refroidir le réacteur, pardonnez-moi cette image un peu oiseuse, mais aujourd'hui, ce serait de déclarer que ce fonds va se porter acquéreur de 100% de la dette grecque, et même qu'il prévoit de monter, enfin qu'il prévoit encore une montée de la dette grecque, parce qu'elle n'a pas fini de monter. Son déficit est encore le déficit budgétaire est encore très important en Grèce. Donc il pourrait très bien atteindre cette dette, les 200% du PIB grec. Bon, donc il faut y aller. Ça fait 400 milliards d'euros. C'est en gros 400 milliards d'euros le montant prévu presque maximum de ce fonds. Donc il vaudrait mieux dire, allez, on lui donne des autorisations de prélèvement jusqu'à 1 000 milliards d'euros pour qu'il puisse intégralement racheter cette dette et en même temps qu'il garde une disponibilité d'intervention visible aux yeux des marchés financiers pour faire croire qu'il peut aussi intervenir si jamais l'Italie a des problèmes ou si l'Espagne a des problèmes. Donc, je crois que voilà, l'idée, c'est que dans l'urgence, il faudrait pas jouer petit bras là, et il faudrait très rapidement dire qu'on va procéder ainsi. Ce qui rend quand même, ce qui donne du temps, quoi. Ça donnerait beaucoup de temps, parce que du coup, ce fonds, on peut emprunter à 2,5-3%, compte tenu de la qualité de la signature qu'il a. Dernièrement, il a levé 5 milliards d'euros pour aider le Portugal, et il a pu emprunter à 2,76%. C'est quand même un taux d'intérêt très très faible. Donc à 2,5-3%, reprêter à la Grèce à 3%, c'est-à-dire sans y gagner ni y perdre, ça rendrait la dette grecque soutenable, quoi. Un taux d'intérêt de 3% sur... c'est pas un taux d'intérêt réel en plus, hein, parce que quand il y a 2% d'inflation, le taux d'intérêt, ça fait un taux d'intérêt réel de 1% sur une dette qui fait 200% du PIB. Bon, bah, ça fait un prélèvement, une rente de 2% prélevée sur la Grèce. Je dis pas que c'est agréable, ça va pas rendre leur joie de vivre aux Grecs, mais ça évite quand même l'asphyxie totale du pays. Donc ça, ce serait une solution qui pourrait être mise en œuvre. Et donc l'idée actuelle des gouvernements européens, c'est de permettre à la Grèce de se financer pas cher et de s'amoindrir dans les dépenses publiques pour équilibrer son budget. Oui, mais là je crois qu'ils n'admettent pas que le rétablissement des finances publiques grecques ne peut pas se faire, parce que le pays est en train de plonger, enfin, ne peut pas se faire dans les délais requis pour que leur raisonnement soit valable. La dette est en train de plonger en récession à cause du plan de rigueur effrayant qu'on impose à la population. Ensuite, les programmes qui sont prévus pour redresser les finances publiques mettent du temps à se mettre en place. D'ailleurs, ils ne sont pas aussi efficaces que prévu. Et non, le déficit continue d'augmenter. Bon. Donc il faudrait que les dirigeants européens s'avouent que la Grèce ne va pas tout d'un coup retrouver l'équilibre budgétaire et qu'il faut donc intervenir sur une bien plus grande ampleur que ce qu'ils ont prévu de faire, quoi. Mais simplement, ils ne s'entendent absolument pas là-dessus et ils ne s'entendront pas là-dessus. Oui, a fortiori, parce qu'il y a quand même une question. Le Fonds européen de stabilité financière, il doit être décidé à 27. Mm. Et est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce que ce sont les leaders allemands et français qui décident ? Non, les conflits vont être énormes. Et, indépendamment du fait qu'il pourrait de toute façon y avoir divergence entre la position allemande et la position française. Sans même parler de ça, les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs, comme on dit maintenant familièrement, bien qu'il n'ait jamais réellement sorti un centime pour les secourir, mais ils ne veulent pas aller plus loin dans la garantie ou le cautionnement des prêts que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc bon, c'est très probable que ça se passe. Et puis maintenant, il y a des petits pays qui deviennent réticents. Et un petit pays qui devient réticent, tout seul, il peut avoir une espèce de droit de veto sur la mise en place des choses. Donc je crois que ce que je raconte là n'a aucune chance de se faire. C'est pas que ce soit déraisonnable économiquement. Monsieur Gessner, qui est venu faire un petit tour en Pologne au moment du sommet informel des dirigeants, est venu dire aux Européens, c'est la seule solution qui vous reste, quoi. C'est d'augmenter considérablement l'argent de ce fonds pour calmer le jeu. Bon, lui, il le faisait pas par empathie pour les Grecs. Hein. Je pense que M. Gessner a vu que si la Grèce fait défaut, les banques vont être emmenées complètement dans la tempête, parce que la contagion va être très rapide à l'Italie et à l'Espagne. Et M. Gessner est plutôt un homme de la banque. Bon, donc il leur veut pas de mal. Et s'il est venu préconiser cette solution, c'est parce qu'il pensait réellement que c'était la seule valable pour sauver la Grèce. Vous nous rappelez qui est Gessner ? Tim Gessner, c'est le secrétaire américain au Trésor, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Finances, du ministre des Finances américain. Pouvez-vous nous dire au bord de quel gouffre, de quel abîme l'Union européenne se trouve ? Ce serait bien de pouvoir le dire dans toute son étendue, parce que quand on fait des études d'économie, au début, c'est justement parce qu'on se dit, ouais, j'aimerais bien savoir la suite quand même. Bon. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent plein de surprises. Bon. Mais on peut faire des scénarios plausibles. Qu'est-ce que c'est que des scénarios plausibles ? C'est-à-dire que si on savait exactement à l'endroit où on se trouve, ce qui n'est pas le cas, on pourrait connaître la trajectoire future. Mais généralement, on s'aperçoit que quand on fait des erreurs, un peu d'anticipation, etc., c'est pas parce qu'on a déraisonné, mais c'est qu'on savait même pas bien dans quelle situation on était. C'est pas le futur qui nous pose problème, parce que, il y a quand même des choses assez prévisibles, mais on mesure mal l'état où on en est aujourd'hui. Bon, alors, mais un scénario possible ou plausible, c'est qu'ils ne se mettront pas d'accord sur un fonds suffisant pour secourir la Grèce. La contagion de la panique financière va se faire, elle a déjà commencé, sur la dette italienne, sur la dette espagnole, sur la dette portugaise, ça va continuer. Dans ce cas-là, tout le monde sait très bien que là, le fonds n'est absolument pas à la hauteur pour commencer à les secourir l'un ou l'autre. Parce qu'on rappelle que la Grèce, c'est 2% du PIB européen. Voilà. Tandis que là, on s'attaque quand même, l'Italie, c'est le troisième pays, la troisième économie européenne. L'Espagne n'est pas très loin derrière. Et leurs dettes sont tout de même assez colossales. Et les banques européennes sont très engagées dans le financement de ces pays-là, évidemment. Bon, évidemment, puisque les banques sont les plus gros détenteurs de titres publics. Et si donc la panique s'engouffrait là-dedans, très rapidement ces États ne pourraient pas renouveler leur dette au prix où ils s'étaient endettés auparavant. Hein, à chaque fois qu'il y a un bout de la dette qui arrive à échéance, il faut réemprunter pour rembourser. Donc c'est ça qu'on appelle renouveler la dette. Et si vous ne pouvez pas la renouveler aux conditions antérieures, là tout d'un coup votre coût augmente, le coût de cette dette augmente très très fortement. Et voilà, ces États se retrouvent exactement dans le même scénario que la Grèce. Ce qui fait que tôt ou tard il ferait peut-être défaut. Et même sans faire défaut, les banques seraient obligées de dévaloriser les titres qu'elles possèdent, ce qui pourrait les mettre quasiment en situation de faillite comptable, on pourrait dire. Et pour vous, quelles seraient les mesures d'urgence à prendre pour la Grèce, par exemple, ou les pays du Sud ? Vraiment d'urgence ? D'urgence, c'est élargir à 1000 milliards, ce qu'on disait tout à l'heure, le Fonds européen de stabilité financière, ou, si on ne fait pas ça, obliger l'ensemble des banques européennes à détenir les titres des États attaqués par la spéculation, les obliger à renouveler les crédits lorsqu'ils parviennent à échéance et leur imposer le taux d'intérêt. Ce qui n'est pas du tout réinstituer ou réinstaurer une espèce de, je sais pas, de communisme, quoi. Bon, je veux pas effrayer les marchés financiers, loin de moi cette idée. Mais au contraire, c'est une manière de dire aux banques, c'est la seule façon de vous sauver aussi, vous, les banques. Pourquoi ? Parce que une fois, ce serait revenir à la situation avant la crise. Ce serait revenir à la situation avant la panique. On dirait, quand les taux d'intérêt sont à 3 ou 4%, comme c'était le cas avant la crise, ces dettes ne posent pour la plupart d'entre elles pas de problème. Ce sont des taux d'intérêt relativement raisonnables. Et donc les États, même si ce n'est pas très agréable, sont en capacité de payer ces intérêts. Bon. Donc on dirait aux banques, on vous oblige simplement à faire ce que vous faisiez il y a 3 ans ou 4 ans. Avec ça, vous gagnez un petit peu d'argent. Et puis avec ça, les États ne sont pas dans une situation catastrophique. En tous les cas, pas l'Italie, pas l'Espagne, pas la France. Donc une situation de contraintes très fortes et d'obligations très fortes, ça, ce serait la solution d'urgence, à mon avis. Si on est convaincu qu'il ne faut pas que la Grèce fasse défaut, et si on est convaincu qu'il ne faut pas que la Grèce sorte de la zone euro. Ce qui ne sont pas non plus des convictions évidentes, hein. C'est très difficile de se faire une conviction sur est-ce qu'il faut qu'elle fasse défaut maintenant, la Grèce ? Est-ce qu'il faut qu'elle sorte de la zone euro ? Et surtout, est-ce que c'est elle qui va souffrir ? ou est-ce que c'est le reste de l'Europe qui va souffrir? Et ça, ça peut être amené aussi deux points de vue différents. Il est possible qu'en cherchant à se sauver, la Grèce fasse couler oui. hein, le reste de l'Europe. Et à l'inverse, il est possible que l'Europe, ne voulant pas lâcher la Grèce, la fasse crever quand même. Bon. Tout ceci est encore possible et c'est difficilement décidable. Il y a deux ou trois scénarios qui sont tout à fait intéressants et tout à fait optimistes. Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, me semble bien. Xavier. Et en matière de... Donc ça, c'est pour les mesures d'urgence. Et pour les mesures de fond, dans l'esprit, qu'est-ce qui... Parce qu'on voit bien que, que ce sont les pays de la zone euro qui sont attaqués. Ce n'est pas les dettes des... américaines, ni des États américains qui sont bien plus endettés que nous. Quelles seraient pour vous les mesures de fond à prendre? Ce sera la dernière question. On conclura là-dessus. D'accord. Donc il faut sans doute aller un petit peu vite. Bon. Alors, dans le cas de la Grèce, il y a deux problèmes qui se télescopent. C'est que non seulement... comme tous les autres pays européens, elle subit cette crise des finances publiques dont on a parlé tout à l'heure et dont on a essayé de redonner les causes. Mais en plus, la Grèce subit le problème de l'euro en général. C'est-à-dire que quand il y a des différences dans les rythmes d'évolution des salaires et des prix en Europe entre les pays, les pays perdent ou gagnent en compétitivité relative les uns par rapport aux autres. Et ce qui est arrivé à la Grèce, c'est qu'en gros, le rythme d'inflation salariale et d'inflation des prix a été supérieur à la moyenne des autres pays européens. Et il n'y a absolument aucun mécanisme correcteur qui fonctionne. Il n'y a pas de force de rappel dans cette union monétaire. Donc la Grèce ne peut jamais restaurer sa compétitivité extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas dévaluer par rapport aux autres monnaies. Non, elle ne peut pas dévaluer par rapport aux autres monnaies. Or, un pays qui enregistre comme ça pendant très longtemps des déficits du commerce extérieur nécessairement s'endette vis-à-vis du reste du monde, soit vis-à-vis du reste de l'Europe, soit vis-à-vis du reste du monde. Donc on pourrait dire la dette de l'ensemble des Grecs est le résultat de ce déficit du commerce extérieur. Bon. Ensuite, savoir si c'est l'État qui est plus endetté que le privé, ça dépend de la fiscalité. Si l'État prélevait davantage les impôts sur le privé, sa dette serait d'autant allégée et celle des agents privés d'autant alourdie. D'accord ? Donc il y a vraiment une question de répartition de la dette interne en Grèce. Bon, dans le cas de ce pays-là, il me semble que de toute façon, quels que soient les bouts par lesquels on prenne le problème, ça va être très très difficile de retrouver les impôts suffisants pour combler le déficit. Bon. Mais pour les autres pays, je crois que pour la plupart des autres pays, une grande partie de leurs problèmes s'explique par ce qu'on a pendant les 10 dernières années, et ça c'est très vrai pour la France, ce que je raconte, on a pendant les 10 dernières années baissé les impôts. Soit en modifiant l'impôt sur le revenu, ses tranches et ses taux, soit en multipliant les niches fiscales, soit en autorisant les grandes entreprises à utiliser tous les moyens légaux pour baisser leur impôt sur le bénéfice des sociétés. À ce petit jeu-là, la France a perdu en l'espace d'une dizaine d'années, ça ce sont des chiffres de la Cour des comptes, ce que je sors, à ce jeu-là, l'État a perdu 100 milliards de recettes fiscales et sociales en l'espace d'une dizaine d'années. Bon. Quand on nous dit qu'on a un déficit budgétaire abyssal de l'ordre de 120-130 euros et que pour rétablir la situation, il faut baisser les dépenses, non, il ne faut pas baisser les dépenses. Il faut retrouver le chemin de l'impôt dans un pays comme la France. Sinon, on devient une république bananière. Bon. Donc l'essentiel de la solution, à mon avis, passe par là. Ensuite, on peut trouver des dérivations. La taxe sur les transactions financières peut aider à créer une fiscalité européenne. Mais là, il y a débat sur tous les usages qu'on pourrait faire de ça. Et puis dernière chose, il faut abandonner la cible d'inflation que les orthodoxes nous ont donnée de 2% par an, ce qui est une aberration au moment où il faut alléger le fardeau des dettes publiques. Donc on ne perdrait rien à laisser l'inflation se développer jusqu'à 4 ou 5 ou 6%. Il n'y a aucun risque de dérapage. Et en plus, M. Jean-Claude Trichet sait comment faire quand ça dérape. L'inflation, on sait comment la liquider aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même complètement changer de cap. Donc nous allons retrouver Laurent Cornelier après la pause musicale. Kerabuti katarlui, merabudji parashtu. Do it. Vous écoutez Radio Campus en 6.6, Soigne ta gauche avec Attaque, tous les troisièmes jeudis du mois, de 19h à 20h. Laurent Cordonnier, vous nous indiquiez qu'il existait des moyens d'utiliser l'inflation pour régler le problème, traiter le problème des dettes publiques. C'est une notion dont on n'entend pas parler dans les médias dominants. C'est un gros mot, surtout. Oui, c'est un très gros mot, je sais, je suis au courant. Mais ce n'est pas, c'est pas complètement iconoclaste. Hein. Là, je vois par exemple que Robert Boyer, qui est tout de même un économiste français très sérieux, qui compte, évidemment, plutôt dans le camp hétérodoxe, mais enfin, tout de même très respecté pour ses analyses économiques et financières, visiblement s'est rangé à cette idée. Mais c'est normal, hein. Dans les périodes où il y a un fardeau excessif des dettes, la seule manière de soulager l'endetté et de faire reposer un petit peu la charge sur le créancier, c'est d'obtenir une augmentation des prix. Parce que généralement, ces dettes ont été contractualisées à un montant fixe, et donc l'inflation fait que au moment où on rembourse son créancier, on lui devait 1000 euros. 10 ans plus tard, on lui paye 1000 euros, mais 10 ans plus tard, 1000 euros n'a plus du tout la même valeur réelle que ce que ça avait dans la promesse initiale. Donc l'inflation soulage bien le fardeau des personnes endettées. Le problème, c'est que c'est pas si facile que ça de créer de l'inflation, en réalité. Surtout dans l'environnement globalisé dans lequel on est. Il y a au niveau planétaire sans doute de gros excédents de main-d'œuvre. Et puis il y a tout le réservoir, on pourrait dire, de main-d'œuvre des territoires chinois, agricoles ou ruraux, de même en Inde, ce qui fait que la concurrence entre l'ensemble des territoires et l'ensemble des travailleurs de la planète a de toute façon tendance à tirer les salaires vers le bas, les salaires monétaires. Quand les salaires monétaires sont tirés vers le bas, les prix eux-mêmes, qui grosso modo résulte d'une marge fixée sur le coût salarial, les prix eux-mêmes ont tendance à être très sages et eux-mêmes à être tirés vers le bas. Donc on est plutôt dans des ambiances déflationnistes que des ambiances inflationnistes. Et donc ce que dit Boyer là dans une interview à Mediapart, il dit « Le seul espoir dans ce paysage serait que l'on bute sur des pénuries de main-d'œuvre en Chine, mais aussi sur des conflits sociaux qui permettent une inflation en Chine. Cela provoquerait un retour de l'inflation porté par les salaires en Chine et qui réduirait le poids des dettes dans le monde. Ce serait un magnifique scénario. » Bon. Mais voilà, il y a un gros « si » quand même, quoi, qui est une inflation durable en Chine. Alors il y a plus d'inflation qu'ici, tout de même, parce que la demande est forte, la croissance est extrêmement forte. Sinon, il faudrait la provoquer nous-mêmes, cette inflation, en Europe. Ça voudrait dire sans doute admettre qu'on devrait pratiquer au niveau européen des espèces de négociations salariales qui programment les augmentations de salaire monétaire sur 3 ou 4 ans. Alors bon, c'est difficile à imaginer, quoi, parce qu'il faudrait avoir les syndicats de salariés discutant avec le patronat européen, avec un petit regard quand même de la Banque centrale Monsieur Jean-Claude Trichet qui dirait attention, la cible d'inflation, et puis les différents États, peut-être les ministres des Finances. Mais enfin, l'idée avec une cible d'inflation qui serait relevée, quoi, à 4 ou 5%. Et puis, si on voulait vraiment corriger ce problème de l'euro, différencier les rythmes d'augmentation salariaux, ou au moins dans des fourchettes, entre les pays. L'Allemagne, qui a des excédents du commerce extérieur extrêmement forts, devrait prendre en charge une augmentation des salaires en Allemagne plus élevée qu'en Grèce. Voilà. Puisqu'on ne peut pas corriger les écarts de compétitivité par des dévaluations des taux de change, eh bien corrigeons ces écarts de compétitivité en incitant les salaires à augmenter plus vite dans les pays où il y a des excédents du commerce extérieur et en modérant les augmentations salariales dans les pays où il y a des déficits. Quand on dit ça, il me semble que ce serait le seul mécanisme d'ajustement possible, sérieux, dans une union monétaire comme la nôtre, où tous les autres, tous ceux qui sont allégués par la littérature, par la théorie économique, ne fonctionnent pas. On n'a pas le temps de les passer tous en revue, mais ils ne fonctionnent pas. Et maintenant, il faut l'admettre, parce qu'on en est là. C'est d'ailleurs assez furieux de penser que l'euro, qui au départ ne semblait pas une mauvaise idée, l'euro explose sur une question uniquement de grandeur nominale, d'évolution des prix et des salaires. C'est uniquement ça. Parce que dans cet espace monétaire, on ne sait pas corriger ces disparités. C'est fou. C'est complètement fou. Mais on a même fait l'inverse, puisque dans les pays, en Grèce, en Espagne, les salaires ont beaucoup progressé sans avoir de dette, sans avoir d'excédent extérieur. En Allemagne, au contraire, c'est une déflation. Oui, tout à fait. Non, mais c'est. Oui, vous avez raison de le souligner. L'Allemagne s'est engagée de manière tout à fait volontaire, consciente, presque avec un pacte entre les syndicats et le patronat. L'Allemagne s'est engagée dans une politique de déflation salariale pour gagner en compétitivité et accumuler des excédents extérieurs. Et c'est un pacte, modération des salaires, pour l'emploi. Simplement, c'est un coût qu'un seul pays peut jouer. Hein, parce que tout le monde ne peut pas avoir des excédents du commerce extérieur en Europe. Ça, c'est pas possible. Donc quand on nous dit « faites comme l'Allemagne », c'est d'une stupidité crasse. C'est même pas qu'on n'a pas de la théorie économique dans les doigts. C'est qu'on ne connaît pas l'arithmétique. C'est pas possible que tout le monde fasse comme l'Allemagne. C'est logiquement pas possible. Donc, oui, on est entraîné au contraire dans l'autre pente. Alors, quand je dis, il me semble que c'est l'unique solution pour faire vivre l'euro, cette inflation, on pourrait dire cette inflation différenciée, quoi. C'est l'unique solution. On voit tout ce qu'il faudrait changer pour que ça puisse se mettre en œuvre, puisque c'est à l'inverse total de l'orthodoxie économique qui a prévalu depuis 25 ans. Donc, je pense aussi que ça a peu de chances de se mettre en œuvre. Enfin, il n'y a personne qui en parle, donc ça n'a aucune chance de se mettre en œuvre. Eh bien, Laurent Cordonnier, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et à très bientôt. Nous allons passer donner la parole à Antoine, qui va nous donner la liste des rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci. Oui, les rendez-vous militants à Lille et environ. Moi, je commence par le mardi 27 septembre au Kinociné à l'Université Lille 3, Pont-de-Bois, Villeneuve-d'Ascq, à 20h, sera projeté Gasland. C'est un documentaire sur le gaz de schiste, les énergies alternatives au nucléaire et énergies fossiles. D'ailleurs, c'est une soirée qui est proposée en partenariat avec ATTAC. Le lendemain, mercredi 28 septembre à l'Univers, c'est rue Danton à Lille à 19h15, le documentaire Les Conti gonflés à bloc revient sur la lutte des salariés contre un patron voyou. Le vendredi 30 septembre, toujours à l'Univers à Lille à 20h30, le documentaire Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires évoque la première base atomique française. Et on passe au week-end du 1er octobre et dimanche 2 octobre à la gare Saint-Sauveur à Lille en après-midi entre 16 et 19h seront projetés trois documentaires relatifs au thème de la migration, des expulsions et des centres de rétention administrative. C'est ce même week-end d'ailleurs que passeront les indignés espagnols à Lille. N'oublions pas, évidemment, comme le rappelait Christian en début d'émission, le lundi 3 octobre à la Mresse, à Lille, à 19h30, une assemblée militante donc d'Attacli traitera des dettes publiques. Et on finit par le mardi 4 octobre, toujours à la Mresse, à 20h15, puisque se réunira le comité lillois de l'appel des appels. Alors je vous invite de retrouver en fait tout ce calendrier militant sur attaquelille.overblog.org. Merci Antoine, merci à tous. Eh bien, on a passé notre première heure un peu dans la douleur quelquefois. Ça n'a pas été facile. On avait un invité de marque et ça, on le remercie beaucoup. On va terminer cette émission là-dessus avec un peu de musique. Merci. Merci. Au revoir.